pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julie Aminte. Cinquième épisode, le temps et l'espace. Nous avons quitté Jean Rouault à 21 ans, l'été 1973, fredonnant son premier texte autobiographique, Adi je m'en va, sorte de bascule par quoi il passe d'une langue abstraite, tarabiscotée, à une langue à la fois simple et concrète. Mais cette chanson, aussi fondamentale soit-elle, ne constitue que le premier échelon d'un parcours d'écriture encore semé de révélations et de rechutes. Dans le quatrième volet de la vie poétique, Être un écrivain, on voit ainsi le jeune Rouault se débattre avec les injonctions politico-littéraires de l'époque comme avec ses propres contradictions. Car bien qu'il découvre la musique folk, se mette au violon, interprète des chansons traditionnelles, hérite de la machine à écrire paternelle, dévore tout Kerouac, s'essaye au théâtre et à la nouvelle, la question du « quoi écrire » demeure, lancinante, irrésolue, au point d'en venir à se cogner littéralement la tête contre les murs. C'est en intégrant un journal local de Nantes que va poindre une nouvelle éclaircie. En effet, outre le découpage de dépêches, Jean Rouault se voit rapidement confier la rédaction de billets d'humeur. La consigne ? Faire drôle et régional. Ce qui va l'obliger à assumer ses origines, contrôler ses emballements lyriques, se frotter à la rugosité du réel et par là même se poser la question du temps et de l'espace. Le chemin qui mène à la création de son premier roman, Les Chants d'honneur, se dégage alors. Un chemin où planent les spectres familiaux, notamment celui du père, décédé brutalement au cours de l'enfance, un lendemain de Noël. Ce père grâce auquel Jean Rouault finira par faire de l'impossible un roman. Le roman de la mort. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué à l'homme posé. Comme si le retour à la syntaxe et au bon ordonnancement des mots me ramenait à la raison. Je me rappelle avoir rencontré dans la rue une ancienne amie de la faculté qui, malgré un petit bébé disparaissant dans une poche kangourou encore trop grande pour lui, ne semblait pas particulièrement rayonner, au point qu'elle me demandait conseil, si je connaissais un moyen commode et pas trop douloureux d'en finir. Elle avait essayé de s'ouvrir les veines et peut-être autre chose. Et je regardais, sans comprendre, son bébé, dont seules de fines touffes de cheveux dépassaient de sa nacelle suspendue, avançant qu'une maman, c'est mieux pour un enfant. Mais elle, une maman sans envie de vivre, ce n'est pas le meilleur cadeau pour un enfant. Et moi, montrant l'enfant, s'il y avait bien une raison d'essayer, c'était bien celle-là, non ? Quelques mois plus tôt, je l'aurais sans doute accompagnée dans sa lamentation. Même si à aucun moment, je n'avais été traversé par ce genre de projet sombre. Au lieu que là, je me sentais face à sa détresse d'une assurance sereine. Il me semblait que j'étais passé de l'autre côté, du côté des presque installés, du côté de la vie. Et lui parlant, je m'entendais me prendre pour un homme sage, cherchant les arguments sensés qui pourraient la retenir d'accomplir un geste fatal. Je mesurais combien, en comparaison, j'avais cheminé depuis que nous nous connaissions. Il me semblait que j'avais enfin trouvé la solution pour moi. Ma vie pourrait s'organiser ainsi entre les dépêches et mes billets d'humeur, entre les 2 heures quotidiennes passées sur mon harmonium à répéter avec persévérance les leçons de piano de Madame Van Uffel et l'écriture de ce qui, à présent que j'avais renoué avec la phrase et le monde, ressemblait à l'idée que je pouvais me faire d'un roman. Car je m'étais enfin convaincu que si je voulais qu'on me reconnaisse comme un écrivain, il n'y avait pas d'autre voie que le roman. Avec ce raisonnement simple, pour être reconnu comme écrivain, il faut publier. Et qu'est-ce que publient les éditeurs ? Des romans. Alors, va pour le roman. Ce qui revenait à se poser la question du « quoi écrire ?». Mais je commençais à me faire ma petite idée. Pour le « comment écrire », j'étais au point à présent. Tous mes exercices n'avaient pas été futiles et vains. À force de contorsions, j'avais assoupli ma phrase, je pouvais l'étirer, la compacter, l'enrouler sur elle-même, l'amener à peu près où je voulais. Le confort, même modeste, est un puissant sédatif. Je pensais être cet homme sage, revenu à la raison, aspirant à la respectabilité, et je comptais bien mener mes trois entreprises de front, la musique, les billets d'humeur et l'écriture romanesque, me convaincant qu'elles se nourrissaient les unes les autres, que cet accommodement ne nuisait en rien à mon ambition littéraire, et qu'il était donc possible de demeurer là, d'y faire sa place, de monter en grade peut-être dans le journal, bien que j'y découpe toujours les dépêches, et de là, envoyer mes manuscrits à la capitale, considérant qu'il n'était pas nécessaire que je déplace le centre de ma vie vers la ville Lumière, car la question, taraudante, se posait toujours de l'exil et d'être là-bas, à Paris, où, en province, il se raconte que les choses se passent. Idée que je repoussais parce que trop compliquée, ne sachant comment m'y prendre. Mais Paris, pointé sur la carte depuis que notre père, 4 mois avant sa mort, nous y avait conduit pour un court séjour de 3 ou 4 jours où nous avions visité les Invalides, à la recherche du drapeau du régiment de dragons de son père. Paris, en ligne de mire en somme, mais dont je pensais que je saurais me passer, à présent que j'étais installé, qu'on me lisait, avec un début de reconnaissance. Le poissonnier du marché de Talensac citant un de mes billets, en recommandant la lecture à ses clients, et ma sœur, dans la file, le coupant, c'est mon frère, et répétant l'anecdote. Et moi, soudain, heureux, légitime, fier, et notre mère, changeant de quotidien pour me lire, découpant à grands coups de ciseaux hâtifs mes articles, et, à sa manière désinvolte, les glissant en vrac dans un sac plastique posé sur le canapé du bureau, bientôt enfoui sous les dossiers où il demeura 15 ans. Mais elle, notre mère, pas du tout le genre à tirer la langue tandis que les lames des ciseaux tailleraient minutieusement au plus près du cadre les carrés de papier, pas le genre à les coller amoureusement dans un classeur qu'elle aurait acheté tout exprès, choisissant le plus luxueux comme un écrin, et feuilleté avec la vanité d'une mère devant ses clients, d'autant que j'écrivais sous pseudo, un pseudo emprunté à Rimbaud, elle ne risquait pas que mes humeurs viennent contrarier la composition d'une liste de mariage par l'un de ces petits couples qu'elle affectionnait. La conversation ne dériverait pas d'un service de table en porcelaine au nez rouge de Messivelle, sous prétexte que j'aurais été le fils de la maison. Et donc, à ce qu'il semblait, j'étais sorti d'affaire. J'avais laissé derrière moi les expérimentations poétiques et la tête contre les murs, même si intérieurement, je ne croyais pas tout à fait à mon nouveau statut. Si, rencontrant cet ami du temps de la faculté, je n'étais pas aussi certain que ça de donner le change. Elle me renvoyait à quelque chose que je connaissais bien, d'où j'étais partiellement sorti, mais qui planait au-dessus de moi comme un nuage sombre. Quelque chose ne collait pas dans mon nouveau rôle, ne me concernait pas vraiment. Cette image de moi que j'essayais de composer rendait un son un peu faux, me gênait aux entournures, comme une image aux traits trop précis pour être honnête. Mais enfin, si les forces supérieures en avaient décidé ainsi, je pouvais bien faire un effort pour m'y adapter. Elles savaient sans doute mieux que moi ce qui était bon pour moi. La contrariété n'est pas mauvaise conseillère. Régional et drôle, moi. Le jeune rédacteur en chef m'avait bien regardé. Pour mes romans futurs, je n'ai eu besoin que d'une moitié de département et pour la drôlerie, voir le grand bourgeois érudit de la rue de Flandre. En y regardant d'un peu plus près, ce dont je n'étais pas capable à l'époque, bien que déjà abondamment myope, ce régional et drôle me fournissait une réponse triviale, terre à terre, avec tout ce que cela implique de renoncement aux grandes envolées lyriques, mais une réponse tout de même à l'adolescent de Charleville qui cherchait le lieu et la formule et ne trouva ni l'un ni l'autre, ni le lieu à Arras, Et dans cet Orient, qu'il parcourait comme il traversait la place ducale de sa ville natale, à grandes enjambées, une épaule légèrement en avant, son regard pâle perdu dans un ailleurs, ni la formule, avec cette ceinture d'or autour de la taille, qui ne résultait pas d'une alchimie des verbes, pas non plus de sombre trafic, comme on a faim de s'indigner, mais tout simplement du négoce, et où, pièce après pièce, il enfouissait ses rêves d'adolescent, ceux si proches et si lointains du temps où, habitué à l'hallucination simple, il voyait très franchement une mosquée à la place d'une usine, ce qui l'obligera, une fois évanoui les doux mirages poétiques, à parcourir le monde pour retrouver dans le désert la maison de son déserteur de père, qui traduisit le Coran, rédigea une grammaire de l'arabe, fut respecté des populations indigènes en Algérie, ce qui est rare pour un officier de l'armée coloniale, au point, lui, Arthur, de se faire appeler Abdou, sous prétexte de faciliter son négoce, quand il s'agissait seulement de parler la langue paternelle, de se faire entendre du père, rejoindre le père évanoui dans les mirages d'Orient, au point d'installer sa maison de commerce face à la mosquée sur la place de Harar. Quand Frédéric Rimbaud est mort à Dijon en 1878, où il vivait depuis 14 ans, de sorte que les 400 kilomètres qui séparent Charleville de la capitale de la Bourgogne eussent été un des trajets les plus courts réalisés par le fils. On sait que dans sa solitude éthiopienne, ses visiteurs européens, aventuriers ou explorateurs, le surprenaient souvent penché sur sa table, écrivant inlassablement. Et non, ils sont formels, il ne s'agissait pas de ces livres de contes qu'il tenait consciencieusement, c'était autre chose. Tous en témoignent qui ne connaissaient rien du passé sulfureux de l'adolescent poète, ce qui ne laissait pas de les étonner. Que pouvait-il bien raconter ? Ce qui démontre bien que le silence poétique de Rimbaud n'est qu'un changement de genre, du dérèglement des sens au sens des affaires, de la rêverie à l'appréhension du réel. Car de ce moment où l'usine s'impose à vous dans sa brutalité matérielle, sans aucune transposition hallucinatoire, qu'elle vous rappelle le peu de cas qu'elle fait de la vie ouvrière, qu'elle vous apparaît comme un des mécanismes sacrificiels de la modernité, que la mosquée qu'on découvre enfin après une longue route ressemble juste à une construction en terre avec son minaret au faux air d'un château de sable, c'est le signe que le monde a fini par vous rattraper, que désormais vous ne pourrez plus faire semblant et que d'une certaine manière vous cessez d'être poète. Du moins l'idée que vous vous en faisiez, celle d'un scénographe hautain et nonchalant, d'un vrai dieu débarrassant du bras la table de l'univers et bâtissant à son image. Voilà, cette fois vous y êtes, au monde, et de ce monde. Vous ne pouvez plus vous raconter l'histoire. Vous pensez que c'est certain, qu'il n'y en a pas d'autre, pas même poétique. Car, dites-vous, on ne peut en imaginer de pire. Il reste donc à dire ce qui est, sans phare, à la manière d'une plaque de verre au fond d'une chambre noire. Ce à quoi nous pouvons croire qu'Arthur s'essaya dans sa solitude éthiopienne, se faisant envoyer tout le matériel photographique nécessaire à cette dernière lubie, pour un résultat pitoyable, quelques photos floues de la place du marché et de lui-même. Ce qui dit aussi que Rimbaud, commerçant, était toujours aussi impatient, incapable de se poser, même pas les quelques secondes nécessaires à l'impression immobile de la plaque de verre, tentant encore par ce procédé d'étreindre la réalité rugueuse, laquelle, par ce tremblé de la photographie, lui échappait encore, reprenant alors sa plume, parce que, de toute façon, ça ne disparaît pas comme ça, le goût de la phrase, se résignant à cette idée que, pour lui, cette saisie des apparences ne passerait pas par la photo ou le dessin. Alors, retournons à ce qui m'a autrefois absorbé, corps et esprit, jusqu'à en perdre le sens des réalités. Reprenons, mais autrement. Considérons cet alignement de mots de la phrase non plus comme une théorie de chalet de verre, mais comme une caravane de chameaux vers la côte somalienne portant chacun une part de la production des hommes et de la terre. car c'est à quoi ressemble une phrase avec ces mots, porteurs d'images et de sens, à une caravane. Écrivant inlassablement, n'ayant donc pas renoncé à son projet ancien d'un salut par l'écriture, mais différent, rêvant peut-être d'un livre total qui engloberait le monde, du moins celui qu'il avait parcouru de la Scandinavie à l'Égypte, de Chypre à Java. Car le récit autobiographique, c'est sa tendance. Il l'a beaucoup pratiqué dans son œuvre poétique. Une saison en enfer n'est jamais que l'histoire vécue de son alchimie du verbe et de sa dérive avec Verlaine. Proposant donc ses chroniques érythréennes, Nouvelle Manière, Terre à Terre, La Terre Rouge d'Afrique, au Figaro, qui refusa son offre. Ainsi, un directeur, ou un rédacteur en chef, ou un chef de rubrique peut-être, a tenu entre ses mains l'un des plus fabuleux destins littéraires et l'a condamné au silence. Notre Abdou, dans l'ennui désolant de Harare, dégrisé de ses rêves d'Orient, revenant à la langue maternelle, est débouté. Rimbaud, au Figaro, allons. Même si, du temps de Charleville, suivant déjà peut-être la voix du père qui publiait au même moment des articles patriotiques dans le Progrès de la Côte d'Or, il avait déjà proposé ses jeunes talents au journal local. Rimbaud, localier ardennais, on ne peut s'empêcher de sourire. D'où l'on se dit que ce n'est pas sa bonne volonté qui est en cause, apparemment disposé à rentrer dans le rang. C'est le monde qui ne voulait pas de lui. Arthur Rimbaud, à Charleville ou à Harare, ne rentrait pas dans les dispositifs que le monde réserve à tout un chacun. Si je m'accommodais tant bien que mal du double commandement dans mes billets d'humeur, où je poursuivais d'une autre manière mes expérimentations poétiques, en me confrontant cette fois au réel de l'actualité, en plagiant parfois l'écriture de tel ou tel dont je subissais l'influence à la lecture, comme ces objets célestes dont la trajectoire est déviée en passant près d'un corps massif, je m'habituais peu à peu, par l'obligation de l'injonction régionale et drôle, à situer. Ce qui veut dire se poser la question du temps et de l'espace. Ça se passe où et quand? Sur quoi repose toute actualité? La date et les informations du jour validant ce qui s'écrit dans les pages du journal. Sur quoi repose tout récit? Ça se passe à Troie, au temps de Priam et d'Agamemnon. Et qu'importe si la découverte de Schliemann ne fait qu'approximativement l'affaire, étant entendu qu'à cet endroit où le bras de mer se rétrécit, il était certain de trouver les ruines d'une cité bâtie là tout exprès pour rançonner les bateaux de passage. Ça se passe à Roncevaux, au temps de Charlemagne, et qu'importe si les Sarrasins étaient plutôt des Basques, et si, au lancer d'épée, pour que sa Durandal ne tombe pas entre des mains ennemies, Roland établit un record absolu en la faisant atterrir à Rocamadour, après un vol de 400 km. Ça se passe dans la Manche, ça se passe à Basse, à Verrières, dans le comté de Yocnapatofa, ça se passe dans l'enfer de Verdun, dans le brasier d'Auschwitz, dans les solitudes glacées de la Colima. Et c'est ainsi que tout a commencé. Comme si cette confrontation avec l'actualité avait préparé le terrain. Inutile de jouer les évaporés et les ectoplasmes, on est bien au monde. Réponds simplement à ces deux questions, où et quand. Et quelque chose est arrivé soudainement, impulsivement, qui attendait son heure, tapis dans un arrière-pays de la conscience. Que j'atterrisse enfin, que je me rende à la raison du plus fort, qui est la vie. Comme si j'en avais fini avec les tâtonnements, les expérimentations et le « comment écrire ». Tout commence là, au haut d'une feuille blanche glissée dans le rouleau de la Royale, après que j'eus décidé de me lancer enfin dans l'aventure du roman. Tout commence par trois mots, non prémédités, qui s'imposent et que je n'ai pas à discuter. Décembre, matin de. Ils sautent aux yeux qu'ils n'ont pas encore renoncé au désordre poétique. Mais enfin, ils ouvrent et ils disent « le temps d'abord ». Le lieu viendra immédiatement après. Un temps qui pourrait être cyclique, annuel, décembre, et circadien, le matin. Mais décembre n'est évidemment pas un mois qui me tombe dessus au hasard, même si sur le coup, comme d'habitude, je n'ai rien vu. On me l'a imposé, et derrière ces trois mots à la hache, je n'ai aucune idée de ce qui va suivre. Pour l'instant, juste ceci. Décembre, matin de. C'est la pointe tête en bas de la pyramide inversée. Tout l'édifice repose sur cette pointe. Elle est le point de départ, non pas du roman qui va s'écrire, mais de mon acceptation du roman. Soit, je me rends, je capitule. Et c'est sous cette forme que je scelle mon accord avec le genre romanesque. Or, décembre n'a pas été tiré au hasard dans le calendrier. On ne l'a pas tiré pour moi au hasard. Au cas où je ne l'aurais pas remarqué, et je ne le remarquais pas, décembre, c'est le mois de la naissance et de la mort, de la date anniversaire de mes 11 ans, et du décès brutal à 41 ans de notre père. Autrement dit, parmi les 12 mois de l'année, bonne pioche. Et pourquoi matin de, quand il eût été plus parlant d'écrire soir de, plus précisément vers 10 heures du soir, quand le bruit de la chute d'un corps et le cri de notre mère me tira de la lecture du colonel Chabert. Sans doute parce que tout commence au premier matin qui suit, le 27 décembre, qui est aussi la Saint-Jean l'Évangéliste, que de ce matin endeuillé commence, sous l'égide du scribe bien-aimé, une nouvelle vie, une nouvelle naissance en somme, une naissance mortelle, la première aube aux accents de ténèbres. C'était Pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julia Minte, lu par Jean-Damien Barbin, avec la voix de Fanny Marie. Musique additionnelle à la guitare, Christophe Rodomisto. 5e épisode, Le temps et l'espace. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Bastien Varigo. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Être un écrivain, de Jean Rouault, est publié aux éditions Grasset. How far is the journey?